PKFM jusqu'au bout du monde. Merci à monsieur Oumar Koubina. On dit le virus est dehors, donc il faut restreindre ses déplacements. Nous, notre confinement, il est intellectuel et c'est ce que nous faisons aujourd'hui pour pouvoir combler les élèves, les étudiants et l'ensemble des partenaires de l'éducation pour effectivement continuer les cours, même si nous sommes hors des classes. Avec monsieur Sati Kamenan sur notre plateau, nous parlons de mathématiques. Il faut, avant une épreuve de mathématiques, prendre des dispositions particulières, donc la préparation régulière. Monsieur Sati, nous avons fini avant l'épreuve ce qu'il faut faire. Maintenant, nous parlons de pendant l'épreuve de mathématiques. Quelles sont les dispositions particulières à prendre? Pendant l'épreuve de mathématiques, le surveillant, d'abord vous remet le sujet. D'accord. Il a été constaté que les apprenants prennent en même temps le sujet et commencent à traiter. C'est pas bon. C'est même pas conseillé. D'accord. Vous prenez l'épreuve, il faut lire et relire l'épreuve. Ça, c'est très important. C'est une phase importante. Ok. Pour les épreuves de 4 heures, 10 à 15 minutes, c'est très bon. Pour les épreuves de 2 heures, 5 à 10 minutes, c'est bon. Ensuite, il faut traiter l'exercice qui semble facile ou compris par l'apprenant. D'accord. Ça, c'est très important. En lisant l'exercice, l'apprenant va détecter, voici tel exercice qui est bon ou celui-là n'est pas bon. Okay. On choisit l'exercice que nous avons compris et on commence à le traiter. Attention, on ne traite pas directement sur la feuille de copie. Donc, il faut un brouillon. Il faut un brouillon. Et encore, sur le brouillon, il faut éviter de traiter intégralement l'exercice sur la feuille de brouillon. Au brouillon, on cherche juste le chemin. Je répète, on ne vient pas au bac pour venir réfléchir ou chercher à comprendre comment on calcule la limite d'une fonction polynôme ou d'une fonction ln. Non. On vient juste pour appliquer. Et on vient pour tester ses compétences. C'est-à-dire qu'en venant au bac, on estime que vous avez déjà un background. C'est comme ça. Et c'est en ce moment-là, vous cherchez juste le chemin. Et lorsque le chemin est trouvé, on revient sur la feuille de copie pour traiter correctement. D'accord. Ça, c'est l'un des problèmes, si vous voulez, c'est l'une des phases très importantes. Ensuite, restez concentré. Il arrive souvent que l'apprenant a déjà vu l'exercice, insemblable. Waouh. C'est là que tu découvres vraiment que nos apprenants sont magnifiques. Ils sont tellement excités. Ils tremblent. C'est comme quelqu'un qui a vu un extraterrestre quelque part. En train de traiter en même temps rapidement. Sans même utiliser le brouillon. Et voilà. Sur la feuille de copie. Donc il faut refuser d'être excité. Voilà. Il faut refuser d'être excité. D'accord. Rester concentré, serein. Et commencer d'abord par le brouillon. Même si tu as déjà vu le semblable. Ça, c'est très important. Mais monsieur Sati, il faut, puisque le temps n'est pas suffisant, voilà. on a un exercice heures. Qu'on a déjà vu, il faut très faire bien. Rapidement. 4 heures, vous voyez, c'est en fait le problème qui est là. On pense que notre objectif, c'est de finir l'épreuve et avoir 20. Non, c'est pas bon. L'objectif, c'est de s'arranger à avoir 10 et aller au-delà. Parce que si vous luttez pour commencer, vous dites non, je dois finir en 4 heures, je dois finir avant ça, et puis prendre 20, n'oubliez pas qu'il y a un homme qui est à côté là qui vous appelle. Zéro. Vous pouvez avoir zéro facilement. Parce que dans la précipitation, vous allez oublier des signes et sauter des étapes qui sont très très importantes dans la résolution. Et à la fin, c'est lorsque vous sortez de la classe qu'en ce moment vous vous rappelez, mais il y a un moins que j'ai oublié. Attention, ça c'est l'échec que vous venez d'embrasser complètement dans cette discipline. Donc faites attention. On va tout doucement. On résout l'exercice au fur et à mesure. Et si Dieu merci, si Dieu est avec nous et qu'on a pu finir en 4 heures, tant mieux. Si on n'a pas pu finir, on a fini pratiquement tous les exercices et qu'on a bien fait, c'est déjà intéressant. On a deux exercices, un problème. Si on a bien fait le problème avec un exercice bien fait, je pense qu'on n'est pas loin de la moyenne. Et si on fait comme ça pour toutes les matières, le bac quand même est un acquis pour nous. Est-ce que c'est valable pour toutes les séries? C'est valable pour toutes les séries. Éviter de traîner, éviter de vouloir vite finir. Non. Ce n'est pas un championnat. J'ai dit merci au ministère pour l'initiative maintenant. Tu as fini avant 1 heure. Tu as fini avant 2 heures. Tu es là. Tu ne sors pas. Ta copie, tu regardes ta copie. Donc, dans ce cas, pourquoi tu cours pour vouloir finir avant l'heure? Donc, prends ton temps. C'était avant, en notre temps. Tu pouvais finir avant les 4 heures. Et puis voilà, tu t'en vas. En ce moment, tu montes ta compétence en tant que voilà, génie et puis ainsi de suite. Tu peux traiter un sujet de en 1h30, en 2h, en 3h, et puis voilà, tu vas taper ta poitrine et me dire voilà, il finit plus en 4 heures. En 3h ou en 2h. Mais maintenant, là, tu as fait en 1h, tu es là. Et tu suivais ta copie. Mais pourquoi finir avant l'heure? Prends ton temps et rédige bien. Parce que les mathématiques aussi, ce n'est pas seulement d'aligner des formules ou aligner des variables. Non, c'est une rédaction. C'est un raisonnement. Avec des connecteurs, des principes de calcul. Mais rédige bien avec une propriété, parce que c'est ça aussi. Avec une belle écriture, là-dessus. Parce que les amis, la correction aussi, les professeurs, ils regardent aussi l'écriture. Ils regardent aussi la propriété de la copie. Voilà. Alors, M. Sati, pendant l'épreuve, vous l'avez dit, il faut rester concentré. Il faut lire et relire tout le sujet pendant au moins 10 à 15 minutes. Il faut commencer par l'exercice qui semble le plus facile ou compris. Il faut éviter de traiter l'épreuve directement sur la feuille de copie. Il faut prendre le soin de procéder à une phase de recherche au brouillon. Et puis enfin, éviter de traiter la totalité de l'exercice ou de l'épreuve au brouillon. La question que moi, je vous pose ici, pour un élève de terminale A, par exemple, il a deux exercices. Le temps est plus réduit. Il a trois exercices. Le temps est plus réduit par rapport aux autres. Alors, comment il doit gérer son temps? Une épreuve de 2 heures donnée par un élève ne veut pas dire que l'enfant doit forcément mettre 2 heures pour finir l'épreuve. Si on donne une épreuve de 2 heures, ça veut dire que l'enfant peut faire l'épreuve en 1 heure, 1h30. Vous comprenez? Ce qui fait que les élèves n'arrivent pas. Ce qui fait que les élèves n'arrivent pas à finir l'épreuve en 2 heures, c'est la compréhension. Ils n'ont pas compris l'épreuve. Et automatiquement, ils traitent l'exercice ça et là. Alors, n'oubliez pas, quand vous attaquez un exercice que vous avez pensé compris, et pourtant vous n'avez pas compris, ça crée déjà un blocage. Quand vous revenez sur un deuxième, d'accord. Du coup, vous pataugez et vous ne pouvez pas terminer. Donc, le premier point, c'est d'abord de commencer par l'exercice qui est facile pour vous. L'épreuve de terminal A, vraiment, c'est l'épreuve très, très abordable. Très facile pour un élève qui est beaucoup régulier à l'école et qui apprend généralement ses cours. L'exercice 1 en série A, facilement, on peut se prendre tous les points. L'exercice 2, là même, c'est encore intéressant. Le problème, waouh, super. Donc, vous voyez, si vous êtes correctement assidu, si vous êtes régulier, vous pouvez prendre 10 facilement en moins de 2 heures. Mais quand vous ne venez pas tout le temps à l'école et que vous attendez que votre camarade arrive à la maison pour vous dire on a fait aujourd'hui un exercice de mathématiques, voilà ce que le professeur est venu faire avec nous et que c'est là où vous devez regarder ce que l'autre a pris, sachant qu'il n'a même pas bien pris. Donc c'est fort évident que vous allez taper même si on vous donne une semaine pour une épreuve de 2 heures, vous ne trouverez jamais parce que vous ne maîtrisez rien du tout. D'accord. Alors, l'autre question, c'est l'an passé, j'ai manqué mon examen parce que je voulais forcément finir mes exercices. Que me conseillez-vous en face d'un sujet de mathématiques de 4 heures? Je pense que vous avez déjà répondu. Dois-je me focaliser sur le problème ou quoi? Mais avant cela, vous avez parlé de connexion, vous avez parlé de raisonnement. Alors, en termes de raisonnement, comment ça se passe? Voilà. Vous voyez, le raisonnement mathématique consiste à expliquer au correcteur la manière utilisée ou la méthode utilisée pour aboutir à votre résultat. Sinon, ce n'est pas le résultat qui importe. Non. À l'examen, au bac, il y a la rédaction qui est évaluée et il y a le résultat qui est évalué. Ça, c'est très important. Imaginez, je vous demande de démontrer que deux droites sont parallèles. C'est vrai, l'objectif, c'est d'aboutir deux droites sont parallèles. Mais il faut expliquer au correcteur quelles sont les stratégies ou les méthodes utilisées pour aboutir à ce résultat. Donc, vous allez énumérer les propriétés utilisées dans un français concis et précis. C'est à la suite que vous allez dire, voici mon résultat. Ça, c'est vraiment le premier point. D'accord. Et c'est le raisonnement mathématique. D'accord. Vous ce n'est pas le fait d'aligner voilà, les chiffres, les variables, et puis voilà, voilà, j'ai trouvé, c'est tout. Non, c'est pas comme ça. En maths, surtout en terminale, c'est pas bon. C'est-à-dire pour faire les mathématiques, il faut aussi parler français. Oui. Bon, ici en Côte d'Ivoire, il faut parler français. D'accord. Sinon, les mathématiques, on n'a pas forcément besoin de français. On peut expliquer les mathématiques en baoulé, on peut les mettre en djoula. Au Sénégal, là, c'est en wolof pour certains peuples. Partout, on peut le faire. Mais chez nous, ici en Côte d'Ivoire, comme c'est le français, tout et tout, donc il faut vraiment comprendre le français pour pouvoir quand même expliquer tes données mathématiques. Pour d'abord une bonne compréhension du sujet. Surtout. D'accord. Une autre question qui nous vient de Broukro, 7e arrêt, bien précis. À Broukro, 7e arrêt, c'est Miss Hélène Koné. Je ne suis pas de votre établissement, mais je suis l'émission depuis le cours de philosophie. La question que je voudrais vous poser ici aujourd'hui est de savoir, monsieur, nous qui sommes en terminale D, souvent nous faisons un conflit entre SVT, mathématiques et physique. Lorsque tu sais que pendant, parmi les trois matières, il y a une matière dans laquelle vous n'allez pas bien, entre mathématiques et physique, où je dois me focaliser pour au moins espérer avoir le bac? Il faut se focaliser sur toutes les matières. Il faut se focaliser sur toutes les matières. Toutes les matières. Je répète, toutes les matières. Et c'est le drame avec les élèves. Non, comme en mathématiques, c'est coefficient 4. Physique, ça c'est pour la série D. Coefficient 4 en SVT, coefficient 4 en physique-chimie. Alors je me focalise sur les trois matières. Et puis paf, je vais au bac. Mais n'oubliez pas les réalités du bac. Si vous partez au bac, seulement focalisez sur ces trois matières ou bien sur une matière. Et que vous partez que cette matière vous joue un tour bizarre. Qu'est-ce que vous allez devenir? Toutes les matières s'évaluent. Voilà pourquoi on vous demande de compéter et de composer dans ces matières-là. Donc vous devez vous focaliser sur toutes les matières. Il n'y a pas de préférence. C'est vrai, on peut exceller dans une matière et ne pas être bon dans l'autre, mais il faut s'arranger à être bon partout. Et c'est ce que nous conseillons aux élèves de série A. Ce n'est pas parce que je suis en A que je vais laisser mathématiques pour passer tout mon temps en train de faire peut-être philosophie ou en train de faire français. Mais au bac, on a vu des réalités. Des élèves ont eu 10 en philosophie mais n'ont pas eu le bac. Et se sont retrouvés avec 0 en mathématiques. Ils ont eu 159 points. S'ils avaient eu demi en mathématiques, ça fait combien déjà? Coefficient 2, vous voyez déjà ce que ça fait. Ils seraient repêchés et aujourd'hui ces élèves-là auraient eu le bac. Donc toutes les matières s'évaluent. Même les épreuves facultatives. Il faut faire. Il faut faire. Merci, monsieur Sati. Je crois que nous avons un autre message. Nous avons d'abord un coup de fil que nous allons prendre. Allô? Allô? Allô? Oui. Malheureusement, notre auditeur est parti, mais un message qui nous vient de Georgie, United States. Je m'appelle monsieur Lazare Nguessan. Je suis enseignant des mathématiques à l'Université de Georgie aux États-Unis. Actuellement, nous faisons aussi des cours en ligne. J'ai suivi un reportage la dernière fois sur ivoiretv.net de M. Mbra parlant de coaching. Et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est un moment pour les élèves de mieux comprendre les choses. Il y a quelque chose que j'ai retenu. Quand le monsieur qui a fait le coaching, le directeur, a dit « il ne faut pas manger où on étudie », c'est très important parce que ça permet de désorienter la réflexion. J'ai essayé à maintes reprises de vous joindre pour participer à l'émission. Malheureusement, je n'ai pas pu. Je suis de Sakassou. Monsieur Mbra a mon numéro et vous pouvez après essayer de me joindre si possible pour que je puisse partager mon expérience. Merci aux professeurs sur le plateau et merci à toute la direction. Merci infiniment. Donc, c'était monsieur Lazare Nguessan. Effectivement, je le connais très bien et j'ai son numéro. Après, nous allons certainement essayer de le joindre sur WhatsApp pour partager son expérience. Et il vous félicite l'ensemble des partenaires, les établissements Henri Poincaré et tous nos auditeurs. Alors, nous continuons. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat? Nous allons après l'épreuve parce que quand nous finissons les épreuves, on est tout content. Les résultats, c'est catastrophique. Quand nous finissons effectivement les épreuves, quelles dispositions il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En mathématiques, comme en toutes les autres épreuves, après l'épreuve, il faut éviter de commenter. franchement, éviter énormément les commentaires après les épreuves. C'est pas bon. J'ai vu des jeunes filles tomber à force de commenter des épreuves. Surtout en mathématiques, c'est l'épreuve même où tout le monde est en jogging. Président de jury, surveillant. Président de jury surveille même le surveillant. Le surveillant surveille l'apprenant. Mais l'apprenant, il fait quoi? Il surveille le surveillant pour trouver des stratégies pour tricher. Effectivement, je voulais en venir. C'est l'épreuve pendant laquelle les élèves trichent beaucoup. Tout le monde, parce que les mathématiques, c'est ça. Tout le monde est beaucoup en transe là. Et imagine quand vous finissez une épreuve, chacun veut vérifier ses résultats. Parce que c'est l'une des disciplines où comment on peut vérifier rapidement les résultats. Ah, bah, dis-moi, la limite là, tu as trouvé combien? Quand l'autre te donne son résultat et que tu n'as pas trouvé, déjà il y a un blocage à ton niveau. Tu demandes un deuxième, si tu n'as pas trouvé le même résultat que pour toi, c'est fini. Tu es complètement bloqué. Et là, même si tu veux tester toutes les preuves, mais c'est évident que tu ne pourras même pas t'en sortir. Oh, le bac, c'est sur une semaine. Mathématiques, pratiquement, c'est le deuxième jour. Donc, imaginez ce blocage, surtout pour les élèves de série scientifique. Mais c'est fini. Physique, SVT, ça, c'est bouclé, on ne peut plus. On va faire comment? Mathématiques, notre espoir, où on a passé toute notre vie à faire mathématiques. Voilà, aujourd'hui, d'après eux, on a tapé poteau. Mais c'est que c'est fini. Évitez énormément les commentaires. Okay. Les commentaires après l'épreuve, évitez. Déjà, la tête chauffe. Le sang même est monté jusqu'à un certain niveau. Donc, évitez les commentaires. Vous finissez, vous rentrez directement à la maison. Papa et maman te demandent comment était l'épreuve. Tu dis, maman, papa, j'ai fait un peu. Évitez les commentaires. Non, j'ai testé ça avec mon professeur. Non, j'ai fait ça. C'est intéressant. C'est très bon. Le problème, les parents seront contents. Mais on va attendre le résultat. Si tu n'as pas eu, mais toi, tu t'as traité avec le professeur, avec ton prêtre, tu n'as pas eu moyenne. Du coup, vous voyez, le problème déjà à la maison. Évitez tout ça. Maman, j'ai fait un peu. Même si tu as déjà vu l'épreuve, un semblable de l'épreuve, et que Dieu merci, tu es arrivé, tu as pu faire quelque chose, ne dis rien. J'ai fait. On remet tout dans la main de Dieu, et puis voilà, on va regarder les résultats. Ça va éviter quand même beaucoup d'espoir et puis beaucoup de choses. Et puis voilà, ça n'a pas marché. Tu dis voilà, maman, j'ai fait, papa, j'ai fait, mais Dieu n'a pas voulu. Mais si tu passes à commenter que tout le quartier est informé que tu as bien fait, si les résultats ne sont pas bons, bon, vous êtes là encore pour un deuxième confinement. D'accord. Alors, monsieur Sati, nous allons allègrement vers la fin de cette émission. Vous êtes félicité de part et d'autre parce que moi également, je vous félicite. C'est la première fois que j'anime une émission de mathématiques à travers la radio. Et je crois qu'au sorti d'ici, je ne parlerai plus simplement de DDF, mais je parlerai en plus de cela des limites. C'est et je tout. Parlerai mathématiques désormais. Merci donc pour votre contribution. Nous allons vers la dernière partie. Si c'était peut-être en littérature, je parlerai de conclusion. Chez vous, il y a une conclusion. Oui. Il y a même des conclusions, pas seulement une. Alors, vous, votre conclusion, c'est les consignes. Qu'est-ce oui. qu'il faut faire après l'épreuve sur la copie? Vous avez la copie, vous avez tout rempli, traité l'exercice qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire en dernière partie avant de déposer la copie? Avant de déposer la copie, il faut relire. Il faut relire la copie. Parce que pendant que vous êtes en train d'écrire, vous pouvez oublier encore des moins. Vous savez, en mathématiques, un seul moins oublié garde complètement toute l'épreuve. Si c'est un problème, là, c'est fini. Si c'est un exercice, bon, comme les exercices, les questions pratiquement sont liées et que les gens vous aident un peu plus, donc vous êtes vraiment un peu sauvés. Donc, il faut relire. Est-ce qu'on a fait des fautes? Est-ce qu'on a omis un moins? Est-ce qu'on a bel et bien écrit ce qu'il faut écrire? Attention, c'est le bac. On le passe une seule fois. À l'époque, il y avait les sessions de remplacement. Maintenant, il n'y en a plus. C'est une seule fois. Et là, tu as raté, c'est encore 9 mois encore. Donc, il faut relire. Prendre le soin de regarder est-ce que j'ai bien rempli d'abord les en-têtes? Est-ce que j'ai bien numéroté mes intercalaires? Est-ce que j'ai encadré ou souligné mes résultats? Est-ce que ma copie est propre? Éviter au maximum les ratures. Parce que c'est ça aussi, une copie qui est ratue, tellement de ratures remplies de tâches, ça énerve même tout le monde. Il faut vraiment éviter ça. Est-ce que j'ai bel et bien écrit? Est-ce que l'écriture est vraiment bien lisible? Tout et tout. Quand tout est bon, Dieu merci, ce qui est bien ici en Côte d'Ivoire, c'est pas l'élève qui remet la copie. Tu finis là, tu surveilles ta copie est là. Et le surveillant passe après, quand l'heure est écoulée, et il ramasse la copie devant toi. Et puis tu sors. Donc vraiment, c'est intéressant. Donc tu ne peux pas aller remettre ta copie. Tu es là, tu surveilles encore ta copie. Donc tu finis de relire et puis tu attends. Évitez aussi de communiquer avec les voisins. Évitez de répondre un peu par-ci, par-là au piqûre de compas, parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui piquent un peu le compas dans le dos. Ah, voilà, monte-moi ta, pardon. Non, non, non. Évitez de répondre. Vous restez serein, concentré. Parce que là, c'est le bac. Ce n'est pas une devoir ou une interrogation. C'est le bac. Et quand on parle du bac, c'est la raison même pour laquelle tu es là à l'école cette année. Donc, il faut vraiment rester comme ça. Rédis la copie et voilà, c'est tout. Merci infiniment, monsieur Sati. Comment réussir son épreuve de mathématiques au baccalauréat? Nous avons eu le plaisir de décortiquer ce thème avec notre invité du jour, monsieur Sati Kamenan, qui est professeur des mathématiques dans les lycées et collèges. Retenez que avant une épreuve de mathématiques, il faut une préparation régulière. Pendant l'épreuve, il faut rester concentré. Durant l'épreuve, il faut lire et relire le sujet pendant au moins 10 à 15 minutes. Il faut commencer par l'exercice qui paraît la plus simple ou qui semble la plus simple ou comprise. Évitez de traiter l'épreuve directement sur la feuille de copie. Il faut prendre soin de procéder à une phase de recherche au brouillon. Il faut éviter de traiter la totalité de l'exercice ou de l'épreuve au brouillon. Ce qu'il faut retenir, tout ce que nous faisons, c'est une concentration individuelle. On vous donne ces consignes pour que vous puissiez les appliquer. À ces consignes, il faut ajouter les différents éléments de coaching qui sont déjà passés sur la radio Gbeke FM. Comment il faut étudier? Je pense que vous avez déjà eu le temps d'aborder avec le directeur général des établissements Henri Poincaré et nous allons encore vous accorder cette opportunité de l'écouter une toute prochaine fois. À la fin de l'épreuve, il faut des dispositions, il ne faut pas commenter, il faut se reposer après l'épreuve de mathématiques, il faut mettre le nom, prénom, toutes les consignes qui ont été demandées, il faut mettre sur la feuille et déposer. Merci chers auditeurs de nous suivre, l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Sachez que ce cours est suivi partout dans le monde. D'ailleurs, vous venez d'écouter notre message de Georgie, des États-Unis. Nous vous disons infiniment merci. Merci à la direction des établissements Henri Poincaré, Boaké à Abidjan. Merci à tous les collaborateurs. Merci à la technique dirigée par monsieur Oumar Kobena. Notre auditeur nous fait la pression. Je pense que je serai obligé de lire cette question pour ne pas frustrer. Il nous reste encore une minute. Bonjour monsieur. Félicitations à tous et à toutes. Je suis parent d'élèves. J'insiste parce qu'il faut le dire. Quand le travail est bien fait, il faut reconnaître. Merci aux établissements Henri Poincaré. Je pense que la toute prochaine fois, si mon fils a l'opportunité d'avoir le bac, l'enseignement supérieur, ça sera, bien, malheureusement, c'est coupé. Mais je sais qu'il veut dire, ça sera chez nous, hein, aux établissements Henri Poincaré. Merci de nous avoir suivis. Nous allons sur la plateforme ce soir à partir de 21h, 21h00, sur la plateforme question-émission et sur la plateforme émission radio. Nous allons suivre les consignes là-bas. Vous avez déjà l'exercice de maths en ligne. Vous pouvez traiter cet exercice. Je vous enverrai le numéro. Vous envoyez directement chez l'enseignant. Les consignes sont déjà sur la plateforme. Vous les suivez. Vous traitez l'exercice. Le professeur aura le temps de corriger et vous donner vos résultats. La toute prochaine fois, on fera l'effort, si Dieu nous l'accorde, de faire une émission audiovisuelle et vous envoyer avec la correction de l'exercice. Merci à tous et à toutes. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gbeke FM.